grâce dans sa vie. Elle ne saura te remercier pour toutes ces fois où tu as été présent. On ne peut pas compter haut, mais là, là, c'est compliqué. Elle est un peu perdue. Pardon, faut l'éclairer ou bien tu la mets à l'épreuve. Elle est mariée depuis haut, mais elle n'a pas d'enfant. Et elle ne peut se tourner vers toi parce que c'est toi qui bénis. Oh, tu l'as dit dans ta parole. Demandez, je vous donnerai. Oh, God a dit pardon. Faut siancer. Oh, faut siancer. Oh,